Réfléchissez bien, je ne peux accepter qu'une réponse pour 3000 francs. Non ! Mettez-vous bien d'accord, je vous en supplie. Une réponse. Non ! Le cola ? Double tabac jour, 8h20 et 19h50. Vous avez bien dit le cola ? Travailleurs immigrés marocains, c'était le retour au pays.